Bienvenue à cette conférence de Daniel Kemp ayant pour titre « Les lois de l'évolution humaine ». Si évolution humaine il y a. Commençons pas avec ça. Non. OK. On fait les trois. Question numéro 2. Si on dit qu'il y a des lois dans l'évolution humaine, est-ce qu'on entend que quelqu'un a défini qu'il y avait des lois ou est-ce qu'on va parler des lois qui sont des effets naturels? Ou est-ce que quelqu'un a écrit à un moment donné? Il y en a un qui a déjà écrit des commandements, il y en a un qui a écrit des lois pour l'évolution. Non, ils sont mis un groupe à écrire des commandements. Il y a beaucoup d'amendements. Finalement, ils sont restés à 10. Au départ, il y a une loi importante, c'est la loi des conférences. Je ne sais pas si tu la connais, mais. Est-ce que c'est une règle ou une loi? C'est un commentaire. Les conférences que je donne sont des conférences qui demandent aux gens qui écoutent que les gens soient ici ou que les gens ne soient pas ici parmi ceux qui écoutent, parce qu'il y a des gens qui écoutent sur cassette, de comprendre ce que je dis ou de laisser tomber ce que je dis. C'est préférable. Parce qu'il n'y a rien de pire que de dire à quelqu'un, ne me fais pas confiance, la personne a dit, ah, tabarnouche, lui, il est correct. Mais non, tu n'as rien compris, tu sais. Fais-moi pas confiance. C'est le seul qui le dit, lui. Faut le suivre. Non. Fais-moi confiance. Oui, oui. T'as rien à faire. Alors, c'est extrêmement important que vous gardiez votre autonomie mentale. On pourra parler des lois d'évolution, on parlait de plusieurs choses. Et puis, ce qui est extrêmement important, c'est que toujours vous restiez libre de ce que vous êtes. Pas de ce que vous pensez, parce que la pensée ne vous appartient pas, vous êtes manipulé. Mais libre de ce que vous percevez, de ce que vous vibrez, de ce que vous savez. Puis quand ça va en harmonie avec ce qu'on va amener, tous les quatre, c'est intéressant. On va expliquer des choses, ça peut ouvrir des portes. Puis si je parle trop vite, vous écoutez la cassette au ralenti après. Ou vous écoutez plus vite. C'est ça. Alors, on parle de loi, effectivement. Est-ce que c'est une loi régie, les lois de l'évolution? Est-ce que c'est, selon moi, une loi ou ce que je veux amener sous le nom loi? Est-ce que c'est quelque chose qui est dirigé par un être suprême, un cosmos, un prétendant à divinité, un dieu? Non. C'est, le mot loi, ça reste une restriction. Et on n'a pas besoin d'avoir un maître, d'avoir un dieu pour imposer des lois. Le mot commandement, si on regarde la Bible, les commandements deviennent aussi des lois de la logique. Tu ne tueras point, bien, c'est sûr que ça va en... C'est harmonieux avec, disons, l'une des demandes de Dieu qui va être « Croissez, multipliez-vous. » « Croissez, multipliez-vous, puis tuez-vous. » C'est quelque part, ça va mal. Il y a déjà assez de contradictions dans le monde de la divinité, sans mettre des contradictions aussi grosses. Alors, quand je parle de loi comme les lois naturelles. Si tu plantes une graine, il y a des chances qu'il pousse quelque chose. Le loup est un carnivore, donc la loi de la nature va faire en sorte qu'il va être un prédateur. Il va donc aller à la chasse. C'est une loi naturelle. Mais ce n'est pas parce que c'est une loi que c'est intelligent. Il n'y a rien de plus stupide que de vivre sur une planète prédatoriale où, pour vivre, on doit tuer. C'est un fait. Nous tuons régulièrement pour manger. Végétaux, animaux, puis de temps en temps encore, on va tuer des humains, pour un paquet de raisons. Des raisons plus spirituelles, plus divines, souvent quand on tue l'humain. C'est souvent des guerres religieuses qui sont les plus grandes, les plus dramatiques des guerres. Alors, quand je parle de loi naturelle, c'est-à-dire que c'est un principe qu'on peut observer, qui n'est pas nécessairement nécessaire d'expliquer, comme la science actuellement, la science humaine n'explique absolument rien. Elle décrit des mécaniques. Elle décrit que si tu prends un briquet, tu mets ça après un tissu qui brûle, ça va brûler. Pourquoi ça brûle, ça, elle ne le sait pas. Mais elle va vous décrire le mouvement. On va décrire une maladie coronarienne, on va décrire l'effet d'un médicament. On décrit. Alors, il y a des lois qu'on considère, donc, sont des lois naturelles, c'est-à-dire, c'est une limitation qui est imposée à l'homme, disons, par le milieu actuellement, c'est-à-dire qu'il y a des lois de l'évolution imposées à l'homme par la planète, par le contexte planétaire. Probablement que sur une autre planète, en orbite autour d'un autre soleil, on serait contingenté par d'autres formes de lois. Mais ça, dans ce cas-là, on peut appeler ça des lois matérielles? Non, parce que y a la psychologie est contingentée par la planète, donc tu as des lois psychologiques, des lois astrales, il y aurait des lois religieuses, il y aurait des lois émotives, en fonction de comment l'humain est bâti émotivement, et des lois matérielles, évidemment. Si on mais c'est parce que les lois émotives, les lois religieuses, ça fait pas partie des lois d'évolution? Oui, mais ça fait partie des lois planétaires, donc du contexte. Mais ça veut dire que dès que c'est une loi, là, c'est en rapport avec l'évolution? Toujours. Ou l'involution. Le gros, l'évolution inclut l'involution, comme les religions incluent l'enfer. Le paradis, l'enfer est là. Parce que s'il n'y a pas d'enfer, c'est pas que au paradis. Tu sais, quand tu passes quelque part, les codes ailleurs. Comparer. Attends, tu parles d'involution et évolution. C'est quoi la différence entre les deux? L'involution, ça n'existe pas. Par rapport à l'homme. OK. L'involution humaine n'existe pas. L'humain n'évolue pas. Par contre, l'involution est une tentative qu'on retrouve sans arrêt dans toutes les nations, dans tous les peuples, à travers toute l'historicité humaine. Il y a une mécanique, une force très puissante qui fait tout pour que l'homme évolue, c'est-à-dire baisse, dans son taux de compréhension, mais ça ne fonctionne pas. Donc, l'humain n'évolue pas, mais rien autour de lui n'est organisé pour qu'il comprenne. Et l'évolution humaine va être réglée, donc il y aura une légifération naturelle qui sera faite sur l'évolution humaine, qui va venir imposer une démarche dans l'ascension de l'homme, de la femme ou de l'enfant vers de la conscience, vers la lucidité. Mais est-ce que l'involution, ce n'est pas justement les lois, c'est pas que ça écrase, mais c'est que finalement, ça limite la montée? Bien, ça freine... Disons qu'on a planétairement, le contexte planétaire se prête à 80% à l'involution parce que l'humain est puissant, il n'évolue pas, mais il ne bouge plus. Et on aurait 20% de lois qui s'appliquent à l'évolution, c'est-à-dire qu'on va dire, si, malgré tout ce qu'on a fait pour que tu ne comprennes rien, tu te mets à comprendre, bien, voici comment tu devras comprendre. Et voici le poids et le prix de la compréhension. C'est ces petites lois-là. Un exemple, on torture un être humain sans arrêt, la femme, elle accouche dans la douleur. Un enfant sur 10 est viable, les autres meurent tous. Ils ont chaud, ils transpirent, ils ont faim, ils dorment mal. Il y a des animaux que de temps en temps qui les attaquent. Et subitement, l'humain approche d'une mécanique. On va dire un arbre avec des fruits, des pommes, là, mais c'est pas ça. Là. Et puis là, la bonne femme, elle ramasse une pomme, elle en prend une bouchée, elle donne la bouchée à son mari. Puis eux autres, subitement, ils découvrent qu'ils souffrent, qui transpire, qui pue, puis qu'elle, quand elle accouche, elle souffre, elle broye, puis les petits meurent. Fait que là, la loi de contingentement vient voir l'humain et lui dit, maintenant que tu as vu dans quel merdier tu étais, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, maintenant que tu as désobéi, voici ce qui t'attend. Mais ça trouve tout de même. Mais on le voyait pas. Maintenant qu'on le voit, bien là, on se fait dire que c'est parce qu'on a fait ça que maintenant c'est comme ça. Alors, c'est de faux. Ça, on peut dire que c'est passé. Et là, il faut avoir un dieu abominable pour arriver à dire à l'humain, écoute, tu as désobéi une fois. J'ai mis une affaire en plein milieu du jardin, j'aurais pu aussi bien le mettre ailleurs, puis tu n'aurais jamais dû oublier rien, là. Et foutu là, je t'ai créé faible pour que tu désobéisses, puis je me suis dit, on va voir ce qui va se passer, puis si une fois il désobéit, toutes les générations suivantes, 30 000 ans, vont payer le prix. Telle est ma bonté. Mais quelque part là-dedans, il faut comprendre différemment. Ben avant de parler de ce genre de bonté-là, c'est un mouvement de conscience-là, tout d'un coup, s'apercevoir qu'on est dans le trou. C'est passer de l'évolution à l'évolution? Oui. Okay. Quand tu commences à conscientiser que la vie est une insulte à l'intelligence humaine, puis quel que soit le niveau de ton intelligence, quand tu es un autochtone de l'Amazonie, découvre à un moment donné qu'il y en aura le bol là, de se baigner dans la merde, puis de ramasser toutes les coliformes du village voisin en haut du fleuve, là, il prend un peu de conscience. Fait que la meilleure chose à faire, c'est de lui dire « c'est de ta faute, t'as pas prié le volcan, t'as pas envoyé assez de sacrifices à un tel, c'est de ta faute. » Fait que là, il se dit « crime, c'est vrai, avant, c'était pas de même. On mourait tous. » Ouais, c'est vrai, on mourait tous pareil. Ben, c'est quelqu'un qui est conscient un petit peu, là. Donc, l'évolution, c'est bien loin d'être le bonheur. C'est l'inverse. Premièrement, c'est dans l'évolution humaine, dans les lois qui régissent l'évolution humaine, il est illégal d'être heureux. C'est pourquoi tu rencontres aucun humain heureux. Il y a une police très sérieuse dans l'astral qui s'arrange pour appliquer la loi. C'est illégal d'être heureux. Bon. Pourquoi? Au mieux, tu ne seras pas trop malheureux. Pas, tu ne seras pas malheureux. Tu ne seras pas trop malheureux. Mais ça, c'est une constatation, là. Oh oui, moi, je parle de constatation, okay. Là. C'est pas une théorie que je vous amène, là. Vivez juste un mois ou deux sur la planète. Vous allez voir. Okay. Empruntez vos corps, là, puis allez faire un tour. Vous allez vous rendre compte, là, je vous parle de constatation. Fait que là, on constate, là, quand on voit ça, on constate qu'il y a une loi qui interdit le bonheur. Non. La loi, ce qu'elle dit, c'est ceci. Tu dois tout faire pour être heureux, mais jamais tu dois y parvenir. C'est ça que la loi dit. C'est un peu comme à l'école, souvent. Moi, je suivais des cours à un moment donné de technique médicale d'urgence. Et puis, on me fout un examen. Alors, j'ai 100%. Mais j'ai eu 99% parce que j'avais fait une faute d'orthographe. Alors, je vois le professeur, puis je lui dis, écoute, je suis content que tu m'aies dit qu'il prenait deux L à cette affaire-là, là. Mais tu ne m'ôtes pas un point pour ça. Ou bien non, tu corriges, tu ôtes des points, tous ceux qui font des fautes. Il dit, non, mais écoute, c'est parce que tu as 100 sur 100, tu sais, fait que tu n'as pas à te plaindre, tu as 99 sur 100, tu sais, fais tout pour avoir 100, mais c'est illégal si tu arrives à avoir 100. Dans les religions, c'est la même chose, fais tout pour rejoindre Dieu, mais viens pas dire que tu le rejoins, on va t'excommunier. C'est pas légal. Mais est-ce que c'est la même loi qui dit ça ou c'est une loi qui dit fais tout pour être heureux? La loi fondamentale. C'est comme s'il y aurait deux polarités? Non, c'est la même loi. La loi dit tu dois tout faire pour, mais tu ne dois jamais aboutir. Bon, avec ce que tu dis, là, ton examen là, que tu as eu, tu avais 100, mais que finalement, c'était pas tolérable pour le professeur ou pour le professeur, en tout cas, là, ou pour les autres qui auraient été jaloux, peu importe. Non, t'as dans 99, le milieu là. De la pédagogie, c'est mal vu de réussir. OK. Alors, quand tu dis que exemple, c'est... Là, attends, juste une minute, je vais finir mon exemple. Okay, quand tu dis que c'est illégal... Ah, il serait peut-être intéressé, là. Quand tu dis que c'est illégal d'être heureux, moi, je vois une différence entre quelque chose qui est illégal et quelque chose qui est difficile à atteindre. La même chose que ton exemple de 99 sur 100, que le prof, il aurait pu te mettre 100%, mais moi, je me rappelle, quand les ordinateurs ont commencé à imprimer les bulletins, c'était pas possible d'avoir 100 parce qu'ils pouvaient mettre juste deux chiffres. Non, oui, alors, tu peux pas avoir 100, tu peux avoir 99. Bien là, je vois un peu la même chose, c'est que quelque chose qui est illégal puis difficile à obtenir, non. Il y a une différence, là. Non, non. Par exemple, la loi, par exemple, t'oblige à tourner à droite quand tu as une flèche qui est verte qui dit comme là. Si tu tournes à gauche, t'arrives quoi devant un policier qui n'est pas occupé à manger? Si tu tournes à gauche? Mais la loi, elle n'interdit pas de tourner à gauche. La loi, elle t'oblige à tourner à droite. Alors la loi, elle est simple. Tu dois tout faire pour essayer et tu ne dois pas y arriver. Ça, c'est la même loi. C'est la même loi. Puis qui... La police, là, c'est qui là-dedans, la police astrale? Qu'est-ce qui fait que c'est si efficace que ça? Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde heureux à la planète. Non, les Égyptiens ne l'étaient pas. Ils ont tout fait pour devenir autre chose. Les Romains ne l'étaient pas. Ils ont tout fait pour devenir autre chose. Tout le monde fait tout pour devenir autre chose. Et partout sur la planète, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde fait tout pour devenir autre chose. Alors, on s'entretue, on se bat, on s'engueule, on se religionise, on se sectarise, on se divise, on s'associe, on essaie, n'importe quoi. On est donc par là, on se marie, on se divorce, on enfante, on assassine. On y va, on essaye tout ce qu'on peut parce faire. Parce que tous les mouvements d'évolution, c'est le changement. Fait, finalement, on veut quitter ce qu'on vit présentement, ou ce qu'on est. Sauf qu'on peut dire, par exemple, je pourrais dire, oui, parce que je ne l'ai pas encore atteint, mais je pense que je vais y arriver. Fait que là, la loi, je n'ai pas constaté encore que la loi m'a interdit. C'est parce qu'on peut se dire, bien là, l'évolution humaine est rendue là, on n'est pas encore rendu. On est en cheminement vers quelque chose. Oui, et c'est pourquoi, ça c'est intéressant ce que vous amenez là. L'humain étant toujours en dissonance cognitive et l'humain n'étant pas conçu pour vivre dans des choix, il n'est pas conçu, alors il tombe nécessairement d'un bord ou de l'autre, il est manipulé, et là il va se mentaliser pour s'expliquer qu'il a bien choisi. Si on regarde une personne qui se dit « Moi, là, si j'étais riche, je serais plus heureux. » À un moment donné, elle arrive à être riche, elle a ses enfants, mais un de ses enfants commence à se droguer. Son bonheur, il fout le camp. Ou il va avoir un accident. Ou il va... Mais bon, même les personnes qui sont riches ne sont pas heureuses. « Ah, mais c'est parce que l'argent n'amène pas le bonheur. » Bon, ben, d'abord, on va aller voir les pauvres. Okay, ça, on va aller voir, par exemple, Saint-François. Tu connais François? Très bien. Bon, on va voir Saint-François. Saint-François, il abandonne tout. Il n'a jamais été heureux. Il a été perdu, mais il n'a jamais été heureux. Puis les gens qui étaient avec lui n'étaient pas heureux non plus. Les gens le regardaient et se disaient « Tabarnouche, il ne souffre pas. » Non, il ne souffrait pas. Il n'était pas heureux. Il était beaucoup moins malheureux. Mais il est resté malheureux. Il était malheureux de quoi? De voir que le pape n'a pas compris. Il était malheureux de voir que les filles veulent embarquer avec lui. Il était malheureux de voir que sa famille n'a pas compris. Il était malheureux de voir qu'il y avait des guerres. Le gars n'a pas été heureux d'être tout nu. Il n'a pas été plus heureux. Alors qu'il aurait dû au moins l'aide pour lui. Ben oui, mais c'est bien évident. Là, on va dire un instant. Et c'est justement, c'est parce que les autres n'ont pas compris. Mais là, je peux dire la même chose. Si tout le monde avait compris, mon fils ne droguerait pas, puis il n'y aurait pas ci, puis il n'y aurait pas ça. Puis... Bon, là, on va dire, c'est la religion qu'il faut. Oui, oui, mais c'est ça. Mais il y a bien des saints qui ont atteint Dieu ou qui étaient d'un état... Dans la religion, ils sont appelés bienheureux. Qu'est-ce qui détermine que tu es un saint? Ben, tu as été martyr. Des lois. Ou des miracles que tu as fait. Oui, oui, mais que tu as été martyr. Quel bonheur. Nomme-moi un saint qui a vécu heureux, qui a été chanceux, qui a mangé, qui a jamais été malade, qui a tout fait ce qu'il voulait, il a voyagé, puis c'est un saint. Voyons, non, il n'a pas. C'est pas un saint, ça. Justement, c'est peut-être le chemin pour y arriver. Mais oui, mais c'est ça, c'est le chemin. C'est évident. Avec le sourire. Mais pas le sourire chrétien, là. Tu vas à la croix avec le sourire. Ça, c'est pas ça, ça. Pas vraiment. C'est juste Marie-Jeanne qui était capable de faire ça. Marie-Guana, tu sais, faut que tu t'organises un peu si tu veux arriver à... Effectivement, l'être humain heureux se dirige vers la conscience. Donc, vers la conscientisation. Puis on en reparlera à la prochaine conférence. Mais l'être humain qui est heureux est un danger majeur, majeur, majeur pour tout ce qui s'alimente de la présence humaine. C'est un danger. C'est illégal. Mais il n'est sûrement pas heureux parce qu'il se conscientise. Parce que quand tu non, te conscientises, non. C'est affreux ce que tu vois. Non, quand tu te conscientises, quand tu es conscientisé, ce que tu vois est affreux parce que tout ce que tu peux faire, c'est que tu constates, tu conscientises une mécanique, tabarnouche, l'amour n'existe pas. Il existe d'autres choses. Monter en amour, ça se peut, mais là, tu regardes le monde, tu tombes en amour, puis tu ne comprends pas le principe. Parce que la prise de conscience suit une seconde après la brime, la déprime ou la déception. C'est qu'il prend une petite conscientisette. Pouf! Là, il voit, il fait « Ah! » Puis il redescend tout de suite. Parce que là, il se dit « Qu'ai-je vu? » Puis là, il est pogné. Ben oui, le monde, il dit souvent « Avant, quand je ne comprenais pas, puis quand j'étais bien plus heureux, c'est faux! Tu étais au paradis! » Inconscient. T'étais pas où? Je savais pas. T'étais malade? Je savais pas. Prenez quelqu'un qui se fait dire par son médecin que t'as le cancer. À partir de là, il commence à manger à la claque. Avant ça, ça allait bien. Mais il n'y a rien de changé, sauf que maintenant, il sait. Mais maintenant qu'il sait, il peut corriger. Mais tant qu'il ne sait pas, il ne peut rien faire. Oui, sauf qu'avec les lois que tu dis, ça a l'air qu'il ne pourra pas le corriger. Non, c'est évident. Mais, je te donne un exemple. OK. Est-ce que ça se peut qu'on puisse pas atteindre le bonheur en groupe? C'est-à-dire que, parce que tantôt, on parlait de personnes comme certains saints ou d'autres personnes qui auraient atteint un certain degré d'évolution. Puis à partir du moment où on est à ce degré d'évolution-là, on réalise que les autres, ils sont pas nécessairement. Puis ce qui nous satisfait ou nous plaît, ne plaît pas nécessairement à l'environnement puis à Dieu. Puis que là, si on veut plaire aux autres en étant heureux, c'est impossible. Un être humain heureux déplaît à tout le monde. Un être humain heureux rend jaloux les gens. J'ai déjà expliqué souvent les principes au niveau de l'amour, puis de la jalousie, par exemple, qui est sous l'égide d'une entité très, très, très, très puissante, qui est un des policiers, justement, une entité très, très puissante qui vient rendre les gens jaloux. Tu vas travailler, tu arrives heureux de ton travail, tu as 90 chances sur 100 que ta femme soit jalouse, que ça marche pas. Puis si tu reviens toujours heureux du travail, bien là, ça peut pas fonctionner. Bon, l'enfant, ton enfant, il s'en va avec mon oncle ou ma tante, grand-papa, grand-maman, mais quand il revient, il a les yeux pétillants, il est heureux. Pour plusieurs parents, c'est un maudit problème. Bon, là, on va dire, oui, mais c'est parce qu'on se demande si tu sais. Non, non, ça, c'est des raisons qu'on va se donner. La femme, elle peut se dire, ouais, mais peut-être que, tu sais, je le rends pas heureux, moi. Ça n'a rien à voir. Le bonheur, c'est une question d'alimentation. Tu me rends heureux différemment de Michel. Mais si je suis toujours avec toi, à un moment donné, je suis en carence. Je vais aller voir Michel et toi, et là, je suis mieux. Si tu es jaloux parce que je suis mieux, l'entité vient te ramasser pour que tu viennes couper. Tu es jaloux de nous deux. Donc, je ne peux plus le voir. Ou quand je vais le voir, je suis pogné, je suis miné, je ne le vois plus autant. Quand je reviens, ça ne va pas. Ça va. Il y a énormément de personnes qui ont accepté un conjoint ou une conjointe qui est alcoolique, qui était un peu narcomane, là, qui est là-bas, qui... Mais du moment que la personne commence à être mieux, parce que ça s'est remipé un peu, puis elle commence à avoir le goût de vivre, ça crée de l'insécurité en maudit chez le conjoint ou la conjointe qui tolérait l'autre. Pourquoi? Pour la même raison. Prenez votre jeune, t'es à la maison, t'es adolescent, ça va, ça va, ça va. Oh, puis c'est une blonde, ça se fait un chum. Hey, parents, c'est un problème tout de suite. C'est minute, calme-toi, là. C'est pas heureux de même, attends un petit peu. Tu vas probablement te faire avoir. Premièrement, on sait inconsciemment qu'il y a une loi qui t'interdit d'être heureux. Tu vas bien avoir une peine d'amour. Puis on est les premiers à l'appliquer. Ben, c'est ça, on est les premiers à l'appliquer. Alors, il faut, au niveau de l'amour, par exemple, au niveau de ces choses-là, il suffit, c'est sûr que l'humain peut continuellement se dire, ben voyons donc, on peut. Quand on veut, on peut. Je vais donner l'exemple le plus parfait. Combien de gens essaient, pensent du moins plusieurs essais et travaillent, pas quand tu as 8 ans, 9 ans, 10 ans, là, mais à vivre plus longtemps. Tu devras tout faire pour préserver ta vie, mais on t'a l'ôté pareil. Ça, c'est l'application matérielle, physique, corporelle de cette loi-là. Fais tout pour échapper à tous les embûches pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, là, puis va t'écraser dans un avion après deux ans. Après. C'est logique. Je vais donner un exemple. Il y a une fille, à un moment donné, qui a décidé d'écrire au président, Gorbatchev, et puis pour lui dire qu'il fallait absolument éviter les guerres nucléaires, puis il fallait, etc. Elle a été invitée en Union soviétique pour le rencontrer. Elle a pris la viande, elle a boxé sa famille auprès de l'Union soviétique. Elle n'a pas pu rencontrer le président parce qu'il était occupé, là, mais elle a rencontré son secrétaire. C'est quand même pas pire. Elle est morte de l'écrasement d'un avion un ou deux ou trois ans après. Elle s'est trop, bien trop remplie de bonheur. Alors, c'est illégal, ça n'a pas de sens. Bon, alors finalement, fini. Puis c'est fréquent. On va voir, par exemple, des personnes qui sont malades, surtout des enfants, qui sont mourants, glucémiques, etc. Ils ont une forme de bonheur de vivre. Mais on les éliminait aussi, là. C'est pichenot, tin, c'est évident. C'est pas que c'est négatif, là, mais c'est... C'est réel. C'est inquiétant. Donc, c'est nécessairement dégueulasse. C'est inquiétant. Parce que moi, je me rappelle... C'est pas que c'est décourageant, mais Non, mais non, c'est pas décourageant, parce qu'on peut faire de quoi? Ça me fait penser, quand j'étais jeune, ma grand-mère... Il y a d'arriver à ce bout-là. Quand... À comparer ça du pain brun et du pain blanc, là, ça veut dire le pain brun c'était négatif, puis le pain blanc c'était positif. Mais à comparer ça dans la vie, tu sais. C'est l'inverse aujourd'hui? Bien, finalement, c'est égal. Tu vas souffrir autant que tu vas avoir du bonheur. Puis si tu l'as en premier, tu vas avoir l'autre en deuxième. C'est tibétain puis, comme philosophie. Oui, mais j'ai l'impression que ça entre bien du monde parce qu'à un moment donné, mm-hmm. c'est que ça va bien dans ta vie, là, tu te dis crime, ça se peut pas. Non, c'est trop beau. Inconsciemment la loi, ça va aller quelque part. Oui, mais c'est ça qui est inquiétant. T'sais, les bons partent toujours en premier, c'est évident. Ils créent du bonheur. Oui, non, t'élimines ça dessus. Moi, je suis contre, là. C'est pour ça que de temps en temps, là, quand je rencontre quelqu'un, ça arrive, je le frappe, tu sais. C'est pas que je suis trop bon parce que c'est dangereux. Non, mais tu voyais qu'il était trop heureux avant qu'il se fasse tuer. Non, tu c'est moi, tu sais. Ouais, elle a fait faire ses mauvais coups, tu sais, parce que sans ça, c'est dangereux. Ça te rend malheureux, fait que tu sais, tu vas vivre un peu plus longtemps. Ah ouais, tu prends l'avion dans un autre pays. Inquiète-toi pas, t'es bon pour un bout. Comment? Inquiète-toi pas, t'es bon pour un bout. Tu sais, des fois. Mais est-ce que c'est pour passer incognito vis-à-vis la police astrale? Non, je me fais harceler en masse par la police astrale, sauf qu'il y a des façons de parvenir à éliminer ça. Mais au départ, on doit comprendre, premièrement, l'évolution, c'est ce qui permet de rendre l'animal humain. Alors, puis quand je parle d'animal, le chien, je ne parle pas du chien, là, je parle des véhicules animaux habités par des intelligences. Alors, l'animal humain, par l'évolution, peut devenir un être humain. Mais lorsqu'il arrive à l'étape d'être humain, commence à être conscient, il évolue plus. Mais on va tout faire planétairement, les citoyens, les voisins, la famille, puis son égo, puis tout ce qu'il manipule, va tout faire pour qu'il poursuive son évolution, alors qu'il n'a plus à être sujet ou soumis aux lois de l'évolution. Mais maintenant, il doit être soumis aux lois de la conscientisation. Et ça, c'est bien différent. On va voir la prochaine conférence. Mais l'humain commence à se conscientiser et tous ses ancrages, c'est-à-dire son uniforme, son habit, qui le fait reconnaître comme étant un être évolutif, il devrait l'ôter pour que les gardiens de la loi cessent de venir lui dire « Écoute, tu ne sors pas de la prison, tu restes dedans. Hey, je suis le nouveau directeur de la prison, mais tu as encore ton habit à barreau. Tu sais, c'est le policier, il a beau être qui tu voudras, il te garde en prison. Là, change d'habit. Ah oui, mais c'est la mode, ils ont tout ça. Ah oui, mais c'est sûr, c'est la mode, c'est dans la prison. Ici, les prisonniers sont habillés pareil. Change de vêtements. Mais j'ai toujours mis ça. Change de vêtements. C'est parce que, à cause que ça a fonctionné au début, il il pense qu'il faut que ça, faut, ça continue toujours, tout le temps, il est pris ça, là-dedans. Ça, c'est un principe très dangereux chez l'humain. Là, 2000 ans, on pratiquait une telle technique. Alors, c'est la preuve qu'elle est bonne. Non, c'est la preuve qu'elle a été bonne et elle a amené à l'humain, pendant 2, 3, 4, 500 ans d'application, tout ce qu'elle avait amené à l'humain. Et aujourd'hui, c'est plus bon pour nous. Le yoga n'est pas bon pour nous. Je ne dis pas que c'est nuisible. Ce que je dis, c'est que ça va vous amener à retrouver un état de santé que vous aviez à la naissance. Ça ne peut pas vous amener plus haut. À un moment donné, c'est bon le yoga pour que jusque-là, comme la gymnastique, c'est bon jusque-là. Et après ça, tu dois prendre des techniques du 20e siècle qui vont t'amener un pas plus loin, qui vont être désuètes dans 20, 50 ou 200 ans. Mais l'humain va dire, comme par exemple la Bible, ça a été écrit dans le passé. Quelqu'un qui écrit de quoi aujourd'hui, on ne le croit pas. Un mort de 2000 ans, 3000 ans, 30 000 ans, lui, il est correct. Alors ça, ça fait partie des principes encore où l'humain essaie inconsciemment. C'est une loi. Reste en arrière, reste là, reste là, reste là, reste là, reste là. Et oui? Ben, c'est parce que... De toute façon, tu me laisses pas parler, mais moi, pas tout de suite. C'est qu'il essaye de retrouver... Le plus beau, c'est dans le passé, hein? C'est le bon vieux temps. Il essaye de retrouver quelque chose. Il devait penser qu'il était mieux dans ce temps-là. Il essaye de retrouver... c'est de la nostalgie. Il nostalgise du passé. Je vais tous vous expliquer un principe. Mais c'est comprenable. Si tu as vécu quelque chose d'heureux, puis tu reçois une claque dans... Tu veux retrouver... Mais là, le pire, c'est que tu n'as pas vécu quelque chose d'heureux. Tu as vécu quelque chose de moins malheureux. Oui, mais tu l'oublies. Je sais, c'est des différences de potentiel. C'est ça que nous, on dit après, si j'étais heureux, puis là, tu... Oui, on est vite de piler ses pieds, puis après ça, on a sept qui sortent. Il y en reste un qui reste là. C'est le bonheur. T'es heureux, c'est merveilleux. Là, on va dire, oui, mais il en reste encore un. Écoute, tu sais, ils ont fait le part. Oui, mais toi, on continue à te bafouer. Mais là, les religions vont être là pour que tu acceptes le pied. Les morales, la société, la loi, la science va être là pour que tu acceptes de continuer à souffrir en disant que... Tu sais, il y a du monde, à un moment donné, qui disent, oui, mais quand on regarde autour de nous autres, il y en a toujours des plus pires. Moi, je me dis, à un moment donné, imagine-toi le gars qui est le dernier, là, c'est le plus pire. Qu'est-ce qu'il va se dire? Ben, il est là, puis il se dit... Qu'est-ce que chien? Mais c'est quoi? Moi, je suis mieux parce que tu es pire. Il peut se dire qu'il a supporté toutes les autres. Tu sais, t'es pas riche. Mais ben ouais, non, je suis pas riche. Non, je ne suis pas riche, j'ai rien que 5000 piastres. Et lui, il a rien que 200. Ah oui! Tabarnouche! Je suis riche. Puis ça, c'est une épaisseur humaine qui fait en sorte que toute la planète fonctionne là-dessus. Tout le monde pourrait, non pas être riche, tout le monde pourrait être bien. Mais notre société capitaliste, comme les sociétés communistes, comme toutes les sociétés, c'est pas, l'humain veut pas être bien. L'humain veut être mieux que l'autre. Alors moi, je gagne 100 000 par année. Mais là, à un moment donné, le balayeur de rue gagne 75 000 par année. Je me dis, écoute, c'est pas de salaire, moi, je me fais fourrer quelque part. Il balaye la rue 75 000, puis moi, je dirige le pays 100 000. Et doublez-moi mon salaire tout de suite, ben non, coupez-le. Mais pourquoi? Ben, c'est pourquoi? Oui, mais ça va pas, c'est pourquoi? N'importe pourquoi. T'es-tu bien? T'es correct? Qu'est-ce qu'il faut? Lui, il est bien, il est correct, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un gars balayer la rue, il faut un gars pour diriger, puis c'est correct. Ça marche pas comme ça. Puis là, pourquoi on revient, on va, pour parler de la loi de l'évolution, il faut parler de ce que c'est qu'un ego. L'humain est bâti minimum dans, outre le corps physique, de deux mécaniques. Un ego, qui est de la mémoire, on n'en parlera pas trop, on n'aura pas trop le temps, mais quand même, et lui, qui souvent va s'exprimer par le plan mental. Mais la mentalisation est une problématique à un moment donné parce que c'est le contrôle du plan mental par l'ego. Mais quelqu'un qui mentalise, là, c'est une espèce de borné. Qui a toujours raison et qui en plus a raison. Mais il n'y a pas raison d'avoir raison. Ça le mène nulle part. Non, c'est ça. Ben, il pleut. Oui, mais c'est pas une raison d'être malheureux. Ouais, mais même si je souris, il pleut pareil. Les égos fonctionnent comme ceci. Puis ça, c'est important de comprendre la mécanique. Vous pouvez vous introspecter suffisamment, vous allez les voir, vous allez découvrir qu'effectivement ça fonctionne comme ça. Mais on ne doit jamais faire une recherche en se disant, moi je suis certain que c'est pas vrai, moi, allez voir. C'est bien dangereux. Albert Einstein a trouvé la théorie quantique totalement stupide. Même Marc Plante, qui l'a amené, n'a jamais voulu y croire. Aujourd'hui, ben, on s'en sert dans tellement de domaines. Quand tu pars à la recherche en prétextant que c'est comme la guenille, là, le suaire de Turin. C'est la même chose. Les gens qui décident qu'il est faux, ils découvrent qu'il est faux. Les gens qui décident qu'il est vrai, ils découvrent que c'est vrai. Comme disait Albert, c'est très relatif. Exact. Même la relativité est relative, a dit Renaud. Et ils avaient raison tous les trois. C'est juste deux, tu sais. Mais... trois, quatre. Non, mais tant qu'à... Alors, voici comment ça fonctionne, un ego. Voulez-vous être heureux? Voulez-vous être heureux? Mais la réponse est non. Et si vous le voudriez, vous le seriez. C'est simple. Mais l'ego humain ne veut pas accepter ça. Pourquoi? Parce que l'ego humain est assujetti à une loi qui dit « Tu dois tout faire pour y parvenir. » Fait que tout le monde va dire « Voyons, c'est ça que je veux. » Alors, si tu veux tant, pourquoi t'es-tu disputé hier pour une pacotille avec un autre? « Ouais, mais c'est lui qui a commencé. » Mais non, fais ça. Si tu veux être heureux, pourquoi perds-tu ta vie à ce genre de futilité? Bon. Veux-tu être en santé? La réponse, non. Mais vous êtes assujetti à la loi qui dit « Tu dois tout faire pour être en santé. » Voulez-vous être en santé? Oui. Pourquoi fumez-vous? « Oh, ben, ça, là. » Bon. Ah, pourquoi mangez-vous plein de sucre? Ah, oh, ben, là, là. Pourquoi mangez-vous trop gras? Ah, oh, ben, un instant, de temps en temps, il faut bien. Voulez-vous être en santé? Non. Parce que si tu veux être en santé, tu organises pour l'être. Et là, ce qu'on va dire, c'est que oui, mais c'est plus fort que moi. Tu as plutôt l'intention. Quand même pas l'intention. On dit que c'est l'intention qui compte. Tu m'en déduis que tu as l'intention, mais on va voir pourquoi. Tu voudrais. Même pas. Il y en a qui voudraient vouloir, en plus. J'aimerais ça vouloir. C'est ça. Mais même pas. Nous ne sommes pas fous. Hein? Nous ne sommes pas fous, vous n'êtes pas folles. C'est difficile de dire nous ne sommes pas folles. Nous ne sommes pas fous, vous n'êtes pas folles. Ah oui, nous, les hommes, nous sommes pas fous, mais vous, les femmes, vous n'êtes pas folles. Pas et puis, mais pourquoi on le fait pas? On est manipulé. C'est plus fort que nous autres. On le sait, ça. Mais pourquoi, quelque part, avons-nous l'idée de le faire dans un monde où on ne peut pas le faire? C'est simple. Bon. Mais on peut faire un peu. Voyons, non. Ben oui, c'est ce qu'on parlait. On peut faire un peu. Ben oui, c'est ce qu'on a dit justement tout à l'heure. Tu peux ôter un pied ou deux, il va en rester cinq. Non, mais c'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Oui, mais on fait tout ça, là, c'est par comparaison. Le bonheur est par comparaison. Non, même pas. Le bonheur, c'est même pas un état comparatif. Pour être heureux, tu n'as pas besoin d'avoir des gens malheureux autour de toi. Et c'est ce que l'humain pense. Non, mais qu'il soit malheureux. Oui, qu'il soit malheureux à côté, c'est pas grave. Là. On parle peu. La personne parle pour elle, là. Non, parce qu'un bonheur comparatif, de toute façon, le bonheur n'est pas comparatif. Ouais, c'est en réalité, une personne la jouait. Un bonheur comparatif, c'est un moindre malheur. C'est pas un bonheur. Oui, mais c'est parce qu'on n'a pas d'idée de c'est quoi le bonheur. Exact. Qui l'a vécu? Oui, c'est ça. C'est interdit, alors j'aboutais pas. Tu sais, il y a des choses qu'il faut le faire. Je te parlerai à présent de mon avocat. On en parlera après la conférence. Comment ça fonctionne, les négos? Vous voulez pas le savoir, hein? Bon. C'est-tu légal, ça va se L'ego est régi par plusieurs lois, mais on va amener deux nouvelles lois ce soir. Les autres lois, on en parle souvent en séminaire. Une des lois, c'est que l'ego, il ne peut pas vouloir. Hey, hein, il y a un oiseau dans mon crayon. L'oiseau ne peut pas vouloir. L'oiseau. Et en plus, on n'en est même pas compte. Quand je suis là. L'ego. Franchement. L'ego ne peut pas vouloir. L'oiseau non plus. Il n'y a pas de contradiction dans mon discours. Ça vient de là, une cervelle de moineau. L'oiseau et l'ego ne peuvent que ne pas vouloir. Comment vous expliquez ça, là? Alors, quand je ne pas veux... Ne pas vouloir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne veux pas être malade. Tandis que vous êtes ça, vos égos, ils peuvent. Ne pas. Je ne veux pas être malade. Correct. Voulez-vous être en santé? Non. L'ego ne peut pas vouloir, l'ego ne vibre sa vie qu'en fonction de ce qu'il ne veut pas. C'est pourquoi l'humain n'est pas un être amélioratif, c'est pourquoi l'humain n'avance pas rapidement. L'ego, c'est sûr que quand on se conscientise, à un moment donné, on finit par avancer, non pas par raison émotive, j'ai peur de manger une claque ou j'ai peur d'être malade, fait que j'invente la médecine. Quand on se conscientise, on avance parce que c'est intelligent d'avancer. Alors, je n'ai pas besoin d'attendre qu'il pleuve dans ma maison pour réparer la maison. C'est intelligent de la réparer, c'est intelligent d'être heureux, c'est intelligent d'être écologique, c'est intelligent d'être en paix. Je n'ai pas besoin d'attendre une guerre pour expérimenter que j'étais bien pendant que j'avais une pseudo-paix, puis etc. Pas besoin. Ça veut dire quoi? Veux-tu, Charles, veux-tu être pauvre? Non. Ça, ton ego, effectivement, il veut pas, la preuve, il s'arrange pour que tu le sois pas. Veux-tu être riche? Ça veut dire oui. Pourquoi n'es-tu pas? Parce qu'égoïquement, c'est non. C'est parce que le gouvernement est trop pauvre. Oui, mais écoute, ça y va ailleurs. Le gouvernement. Même chose, François, veux-tu être bien dans ta peau? Ça va être non. Veux-tu être mal dans ta peau? Ça va être non non plus. Son ego peut. Il sait ce qu'il ne veut pas. Et regardez comment ça fonctionne. On va ici dessiner une échelle pour évaluer la position de l'ego face à un domaine donné, un domaine référentiel. On va dire qu'on a ici 0. Bon. Puis ça, ici, ces chiffres-là ne veulent rien dire. C'est une question de se faire un barème de comparaison. Par exemple, la richesse. Bon. Moins 10 sur l'assistance sociale, tu ne travailles pas sur le marché noir, tu n'as pas ce que le gouvernement devrait te donner. Bon. Veux-tu vivre là? Plusieurs égaux, ça va être non. Parfait. Alors, moins 9 sur l'assistance sociale, tu ne travailles pas sur le marché noir, mais tu as ce que le gouvernement a l'obligation sociale de te donner. Veux-tu être là? Certains égaux vont dire, de rien à foutre. Ces égaux-là ne veulent pas être à moins 10 dans la richesse. Ils vont donc s'organiser pour être à moins 9 et vont rester là. Là, si on leur dit, ouais, t'aimerais pas ça, monter à moins 3. Tu veux juste vendre des cigarettes? Ouais. Non, les cigarettes vont monter à 4-5. Mais non, il ne fera rien pour s'en sortir. Pourquoi? Parce que l'ego n'est pas une constitution dans l'humain qui l'aide à avancer. 90% de ce qui gère l'humain est de l'ego, puis ça ne veut pas avancer. Si votre seuil de pauvreté va être moins 1, le seuil de tolérance égoïque, ça dépend de votre famille, de vos réincarnations, de votre éducation. Si votre seuil de pauvreté est moins 1, ça veut dire je gagne, mettons, on va dire 45 000 par année. Bon. Si votre seuil est là, à 45 000, es-tu correct? Non. Vous allez probablement vous ramasser au niveau zéro et gagner 50 000 par année. Et là, on va vous dire, oui, mais à 50 000, tu sais, si tu avais un gars brillant comme toi ou une fille brillante comme toi, à 75 000 ou 100 000 par année, tu pourrais t'émanciper drôlement plus. Ça a de l'allure, mentalement. Là, égoïquement, veux-tu aller chercher 100 000? La réponse, c'est non. Mais pourtant, on va dire verbalement, on va dire oui, même si dans les faits, on va appliquer non. La décision de l'astral qui va se dire ceci, lui. Lui va se dire ceci. Veux-tu être à 45 000? Non. Donc, j'en déduis que je veux être à 50 000. Veux-tu être à 50 000? Oui. Mais ça, c'est une déduction. C'est faux. Tout le travail de l'humain, quand est-ce que l'humain commence à se déniaiser, à faire quelque chose dans la vie? C'est quand ça commence à aller mal. Et quand ça va bien, il relaxe. Les sociétés qui vont bien, relaxe. Ça veut dire que quand tu commences à descendre au niveau moins 1, oh boy, que les idées viennent-tu, puis l'initiative, puis là, ouais, tu commences sûr, à y aller. C'est pareil comme... Tu veux pas descendre, mais qu'est-ce que tu fais pour monter? Mais c'est comme tu vas à l'hôpital quand tu es malade. Ben oui. Tu vas pas avant. Mais non. Mais tu t'occupes de ta santé aussi quand tu es malade. Pas avant. Tu t'occupes de ton portefeuille financier quand tu es malade, quand tu n'as plus assez. Mais sans ça, j'ai pas de problème là. Mais parce qu'il faut être... Tu t'occupes de tes enfants quand ça va mal. Mais ça dépend du niveau de conscience. Parce que ceux qui sont conscients que leur corps peut se... qui ont intérêt, par exemple, à avoir un corps en santé sans même attendre de souffrir. J'ai rencontré un juge un jour qui j'ai posé cette question-là et il m'a répondu. Il lâchait pas. Je fais rien sous l'eau. Il la trouvait bonne. Vous décidez d'aller chercher 100 000. Bon. Histoire d'avoir plus de temps dans votre vie pour vous occuper mieux de vous, de ceux que vous avez le goût de vous occuper, etc. Parce qu'un être humain devrait voyager sur la planète Terre, devrait être capable de connaître les choses, être capable de rencontrer du monde, d'avoir du temps. On n'est pas là pour aller à la chasse ou cultiver ou pitonner. C'est pas le rôle de l'humain. Aujourd'hui, on est d'accord pour dire, OK, mais on n'est pas sur la planète pour aller à la chasse. Vois-tu encore, vous trois, là, cachés à l'affût de l'orignal qui peut-être va venir avec ton fusil, puis tu rentres dans la neige l'hiver avec tes grosses mitaines, puis t'espères de le ramasser. Puis quand t'arrives à la maison, la bonne femme est là, avec, elle rentre du bois encore avec les petits dans la maison, fait chauffer la bebelle. Cherche les petits, il en manque un, elle l'a mis dans le poêle, elle s'est trompée. Puis toi, t'es nerveux, t'as pas réussi à avoir l'orignal. On va dire, on n'est pas venu au monde pour ça. Mais il y a eu une époque où c'était comme ça qu'on vivait. Ouais, mais quand on était à cette époque... Tout le monde disait, bien, c'est sûr qu'on est venu au monde pour faire ça. On n'est pas plus au monde pour travailler. Quand on était à l'époque des orignaux, on se disait qu'on n'était plus à l'époque de d'autres choses à faire. Exact. Choses à faire. Si on te dit, justement, si on te comparerait 2-3 000 ans en arrière, tu dirais, écoute, moi, je suis pas venu au monde pour vivre de même. Moi, je me suiciderais. Moi, je vais vivre de même, là, ça. Ton gros mousquet, là, avec la poudre au bout, là, puis ton orteil, là. Il n'y a pas beaucoup de suicides à l'époque, hein? C'est compliqué. Il y a beaucoup de blessures. Ils sortaient coincés dans la cachette. Mais effectivement, sauf que nous, on s'adapte. On ôte un petit peu de poids de souffrance, on le remplace par d'autres choses, puis on se dit, voilà, nous avons évolué. Mentalement, des êtres qui sont suffisamment intellectuels, d'intelligence passive, ou qui commencent à être suffisamment visionnaires, étaient conscients, donc qui sont plus près de l'intelligence, vont finir par se dire, écoute, moi j'en ai ras-le-bol. C'est correct. Parce que l'humanité bouge sur la planète aujourd'hui pour ne pas redescendre d'un cran en bas. C'est bien pour ça que l'humanité bouge. Pas descendre là, là. Mais l'humanité bouge pas pour monter en haut, bouge pas descendre là. Un exemple. Donner de l'argent pour la prochaine campagne de levée de fonds pour un organisme sur le cancer. Parce que, un jour, peut-être, ça va être votre tour. C'est ce qu'on dit. On ne dit pas améliorer la société. Mais non, si vous ne voulez pas descendre un cran en bas, faites quelque chose. L'humain égoïque est bâti, c'est une des lois de l'évolution humaine, il est bâti pour son égo, peut ne pas vouloir ceci. Mais, alors, il y a un bonhomme, à un moment donné, qui a dit, ceux qui protestent souvent dans les sociétés, sont contre tout, sont pour rien. Mais ça donne. On ne veut pas rien changer de notre état, donc on est contre ceci, on est contre cela, on est contre cela, on est contre cela. Mais tant pis, pourquoi? Pour rien. Ou pour le traditionnel, mais l'avancement des choses se fait difficilement. Alors, on doit comprendre ça. Au niveau de la santé, au niveau de n'importe quoi, au départ, au niveau évolutif, demandez-vous pas pourquoi Bouddha est passé, puis il est venu chialer tout ce qu'il avait à dire, ça n'a pas changé grand-chose, ou le Nazaréen est passé, puis ils l'ont crucifié à la place de l'écouter, puis un paquet d'autres personnages intéressants qui sont passés, apparemment, ça n'a rien changé. Bon, pourquoi ça n'a rien changé? Bien, c'est parce qu'on s'adresse à des égos. Puis l'ego, de par sa nature, ne peut pas changer. Ça change le monde astral, ça a fait des petits bouleversements dans la conscience de certaines personnes. C'est-tu l'ego qui a fait les lois qu'il garde là-dedans, ou lui, les subit? L'ego les subit. Mais pourquoi on va dire, comme dans ton exemple là, d'échelle financière, c'est un... La personne va dire, ben moi, je veux aller vers plus. Je veux aller vers plus de liberté, plus de temps, tout ça. Je veux travailler, mais il ne s'y rend pas pareil. Soit qu'il tombe malade. Peut-être que tu es assujetti à la loi qui dit, tu devras tout faire pour parvenir à. Puis nous, dans l'astral, on dit, on va tout faire pour qu'il n'y arrive pas. Puis ensemble, deux grands chums. On me fait penser à quelqu'un qui ferait du conditionnement physique, qui marcherait sur un tapis roulant. On dit, bien, il faut que tu t'en viennes là. On met l'image en avant, mais c'est un tapis roulant qui est là. Fait que, dans le fond, ce qu'on veut, c'est que tu fasses du tapis roulant. Fait que fais du tapis roulant, puis là, tu vas t'entraîner. Quand tu seras conditionné, tu auras évolué. L'exemple on peut pas te le dire. Très, très, très bonne, parce que l'humain, dans sa démarche, nourrit le monde astral. Alors, si on prend ton tapis roulant, on peut s'imaginer qu'une dynamo qui fabrique de l'électricité. Fait qu'on veut un marcheur dessus, puis il ne marche pas. Fait qu'on y met, gars, va là-bas. Là, c'est une toile. Elle dit, OK, le tapissement a marché. Il n'y arrivera jamais là-bas, mais il va y aller toute sa vie. Ça fait marcher le dynamo, puis l'autre là-bas, il est là avec sa petite lumière, puis il est bien content. Puis ses lois, c'est clair, tu dois tout faire pour y aller. Mais un jour, le gars, il débarque du tapis, il arrive à la toile. Ça y est, je suis rendu! Là, il fait plus tourner le tapis. C'est illégal d'arriver. Là, il sort d'une grosse main. Paf! Ben oui. On te le ramène dessus là-dessus. Rabac, c'est le tapis. Observez. Je vous parle d'observation. Observez les religions et les interdictions absolues d'aboutir. Observez. Exactement. Madame, vous faites de l'eau sans faire de bruit. Alors, elle fait tout pour y parvenir. Et elle ne réussit pas. C'est simple comme ça. C'est niaiseux. Ben oui, mais la prochaine fois, on va faire plus attention. C'est même pas ça. Elle a fait tout ce qu'il fallait. C'est pas la seule, là. Il y en a d'autres de temps en temps. Mais, puis notre vie, puis là, ce qui arrive, c'est que les lois vont être culpabilité, honte, et paquet de mécaniques, là, pour que tu ne recommences plus. Puis à un moment donné, on va donner soif pour que tu recommences. C'est ça, l'humain. C'est l'évolution. Alors moi, je dis, arrêtons, faisons la grève. Et ce que je veux, c'est que minimum qu'on constate la mécanique. Si on arrête, je reprends le tapis roulant. Non, il faut légal faire la grève. Je reprends le tapis roulant astral. Si tu arrêtes de marcher sur le tapis roulant, tu prends une maudite débarque aussi quand le tapis continue à marcher. Mais si tu arrêtes net, tu prends une bonne débarque. C'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe aussi dans la vie. Ça dépend. C'est intéressant. Hey, t'es pas pire à soi, toi. Mais tu peux faire un sprint. C'est parce que je te fréquente moins souvent. Alors, moi, je te chaise. C'est depuis qu'on se voit moins souvent. ce qui est intéressant, ça va être ceci. Le tapis roulant, il se met à fonctionner parce qu'on n'est pas tout seul dessus, on est au petit paquet de monde. Celui qui est en avant a plus de chances d'arriver selon l'idée conçue. Hein? Ça se fait tout en ligne, là, les 100 personnes ici. Puis moi, je suis en avant, ce tapis roulant, puis on marche. Le gars en arrière ou la fille en arrière, il va se dire, ouais, mais là, Kemp, là, pas juste lui, il va arriver avant nous autres. Êtes-vous-en pas? On n'arrivera pas personne. Ouais, mais l'illusion, ça va être pareil, hein? Il va arriver avant nous autres, allez. Puis c'est le bon sens, crime est en avant, puis on marche tout par là. Là, ça se tiraille pour être en avant. Mais ceux qui arrivent en avant, les grands maîtres des sectes, les grands maîtres des religions, les prêtres des églises, c'est ce que vous voudrez. Ils sont pas plus arrivés. Les premiers seront les derniers. Ils vont arriver en même temps. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est un cycle. Tu passes en dessous du tapis. C'est ça. C'est un cycle, tu sais. Fait que le premier, puis le dernier. Reject. Ah, c'est important. Mais là, qu'est-ce qui arrive? Moi, ce que je suggère souvent aux gens, tu marches sur tapis roulant, et si vous voulez, et on va parler de la conscientisation prochaine conférence, quand tu commences à te conscientiser des lois différentes qui s'appliquent, mais il n'y a rien de pire que de dire, écoute, moi, je ne veux pas abandonner tout de suite l'évolution. On marche. On va aller voir un peu. Le tapis roulant, là, il marche le bol, là. Un peu, sinon, le tapis roulant, ouais, ça donne. Là, il y a des lois qui te disent, essaye pas, parce que tu vas voir. Fait que là, à un moment donné, t'es là, là. Bang, bang, tu prends une débat. Puis là, les lois, les gardiens de la loi d'évolution viennent te voir tout de suite, te disent, on te l'avait dit. Pourquoi tu restes pas là? Tu marches, tu ne poses pas de questions, tu fais ce qu'il faut que tu fasses, puis tu n'auras pas trop de malheur. C'est carré. Puis la gang de zigotos en avant et en arrière du petit cave qui voulait s'essayer, ils disent tout. Voyons, non, c'est qu'ils n'auront pas, c'est niaiseux, parce qu'ils veulent tout essayer. Mais s'il y en a un qui réussit, ils ne pourront pas plus le faire. Fait qu'il s'est souffrant en maudit. Alors, ce que les autres qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout faire pour qu'ils ne le fassent pas. S'ils s'essayent, vu qu'ils étaient bien programmés à ne pas le faire comme il faut, il s'essaye, il monte son coup, puis là, tout le monde vient lui dire, « Gale, maudit niaiseux, dont tu l'avais-tu dit? » Essayez rien. Essayez pas. Essayez pas. Un jour, vous serez mort pareil. Essayez pas. Quand vous allez avoir de la misère à marcher, là, vous vous éliminez. Mais alors, tu peux moi, pas... ce que je suggère, c'est que quand tu commences à te conscientiser, si tu veux ne pas souffrir, tu fais... débarque. Tu changes de plan. Sauf que l'humain, il ne veut pas le faire. L'humain, il est tellement... Les lois sont puissantes. Il veut se tenir sur son ancien, au cas que ça ne marche pas. Puis là, il ne veut pas se faire dépasser par ceux qui suivent. Tu es sur un bateau qui coule, puis on te dit, une embarcation de sauvetage. Un instant, j'abandonnerai pas mon bateau qui coule comme ça. D'un coup, la chaloupe coule. Écoute, Sur ton bateau, tu coules. Fait que si tu vas dans la chaloupe, peut-être qu'elle coule. Tu n'auras rien changé. Mais ici, à flotte, ça va. Mais si tu ne lâches pas le bateau, tu tiens après la chaloupe, tu vas couler toute l'affaire au complet. C'est ce qui arrive au niveau de l'humain. La majorité des gens, parce qu'il y a du monde qui vont rentrer dans une entreprise, commencer à soit se lancer en affaire, sans se faire engager dans une entreprise, ou en tout cas, il y a plusieurs mécaniques. Puis là, ils veulent arriver en haut, ou arriver à un certain poste, arriver à un certain standard. Par exemple, la fille et le gars qui font tout pour arriver à s'aglicher l'un l'autre, pour arriver à se marier. C'est du fun, hein? T'en veux pas marier, là. C'est le fun, tu t'essayes, t'appelles, on sort, petit cadeau par-ci, par-là, ouais, donc. Puis quand t'aboutis, mais quelque part, là, c'est illégal d'aboutir. Puis ce qui te motivait à vivre, c'était l'essai. Et une fois que t'as réussi, t'es rendu en haut de l'empire, là, t'as des milliards de dollars, là, tu regardes le monde, tu te dis, bon, maintenant, ma vie va être montée, je suis rendu en haut. Mais quoi? Ben, tu fais comme plusieurs milliardaires ou millionnaires, tu prends des narcotiques, tu fais des trips, tu t'organises pour essayer d'oublier que tu es rendu. Est-ce qu'on essaie de redescendre pour rejoindre les autres parce que tu te sens seul? Oui, tu ne redescendras pas financièrement, mais tu redescends au niveau psychologique, tu redescends au niveau physique, tu vas te remonter, ça se carrière. Ou même financièrement, souvent. Souvent, ça va arriver. Mais il y en a qui vont rester en haut financièrement parce qu'il y a trop de personnes qui s'occupent de leur affaire, ils ne peuvent pas arriver à la planter. Mais ils vont planter autrement. Prenons l'exemple, là, comment il s'appelait? Howard Hughes, je pense son nom. Oui. Bon, lui, il avait tellement aimé les gants qu'il portait qu'il avait acheté la compagnie. Puis c'était un très, très, très riche Américain. Puis en dernier, il mettait des gants, il fallait qu'il touche à rien. Il y avait des Kleenex pour tout toucher. Il a assez peur d'attraper des microbes. Et s'il avait su qu'on est plein de microbes, plein. Et plus on se lave avec de l'eau chaude, plus on en cultive. Ça se développe dans des milieux chauds et humides. Et puis lui, ça ne va pas se laver tout le temps. Puis, il a atteint rien. Il s'est ramassé en avant du tapis financier. Il s'est ramassé en arrière du tapis du bonheur. C'est bon. Il faut que l'humain saute complètement. Il faut que l'humain commence à se conscientiser. Il faut que l'humain cesse d'avoir peur des changements. Mais tu ne peux pas faire. Je dis souvent, moi, à du monde. Quand on a inventé l'idée des points de suture, tu arrives avec une grosse coupure, là. Tu dis, ouais, mais l'instant, tu prouves que ça marche, les points de suture. On dit, non, c'est le premier patient chez qui on peut l'essayer. Ouais, moi, je suis pas sûr, moi, c'est quasiment juste deux au cas, là. Et si tu fais deux points de suture, là, puis le reste, t'en fais pas, ça va juste prouver que ça marche pas, le point de suture. T'en fais au complet. Ben non, on réessayera l'affaire dans 10-20 ans, ou quand j'aurai quelqu'un qui voudra essayer au complet. Pourquoi essayer à moitié? Puis essayer au complet ne veut pas dire que tu abandonnes tout ce que tu as au niveau de la matière. Dans le cas du bonheur et de l'évolution, je prends l'exemple du tapis roulant, si tu es là-dessus avec ta femme, tes enfants, tes associés, tout ton monde, tes amis, ça ne veut pas dire que tout le monde va être chronométré ou synchronisé pour sauter du tapis en même temps. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un autre qui va sauter. Ça veut dire que tout le monde ne sera pas synchronisé en même temps. C'est ça que ça veut dire. Mais l'impression qu'on a, c'est que si je prends mon exemple, je chaude du tapis, puis que les autres restent là, je ne peux pas être heureux à côté du tapis. C'est les autres qui créaient mon bonheur apparent, en tout cas. Oui, parce que, non, je sais, moi je te dis, je sais, mais c'est faux. C'est ça le gros problème. Pourquoi que les autres, et puis en plus, tu auras raison et tu auras tort. Si tu sautes à moitié, tu vas juste découvrir qu'ils sont malheureux au maximum, puis que tu les aimes, fait que nécessairement, s'ils sont malheureux, ils ne peuvent pas être heureux. Donc, tu reviens. Si tu décolles complètement, ils vont être malheureux. C'est les lois de l'évolution. Toi, tu vas être subitement heureux. Puis probablement que tu ne pourras plus vivre avec eux, ou ils vont traverser. C'est ce qu'on appelle ça passe ou ça casse. Et le gros problème, c'est que toutes les stratégies humaines. Dans les lois d'évolution humaine, il y a des lois très, très pertinentes qui disent bien, il y a des gardiens très, très puissants pour l'appliquer. Tu ne peux pas avancer si ça fait du mal aux autres. Alors, nous, par contre, est-ce qu'il y a une loi qui dit clairement, tu devras empêcher les autres d'avancer, même si ça leur fait du mal? C'est ce qu'on fait. Nous, on applique cette loi-là en réalité. Tu veux cesser de fumer? On est quatre fumeurs, tu veux cesser de fumer. Mais oui, mais là, ça nous dérange. Tu n'as pas le droit. Avons-nous, nous, le droit de l'empêcher de changer, même si ça le dérange, même si ça lui fait mal? C'est ce qu'on appelle. Bon, écoute, un instant, là, c'est chiant, ce fait-là, puis c'est ce qu'on appelle. Fait que finalement, on est trois écœurants. Où t'es un écœurant? Mais dans si on est trois écœurants à t'empêcher d'arrêter de fumer parce que c'est pas correct au nom de tout ce que tu voudras, si on te culpabilise, on va te dire que t'es pas correct parce que tu nous fais mal. Mais toi, de ton point de vue, là, si tu nous regardes, là, on est trois pas correct. On fait tout pour que tu n'avances pas. On fait tout pour que tu ne puisses pas. Mais t'es comme dans cet exemple-là, les quatre sont pas plus heureux. Ça avance, rien. Mais si tu changes, tu vas en avoir un d'heureux. Trois, pas s'il reste conscient qu'il dérange les autres, pas son bonheur. Si tu changes, il n'y aura pas de problème. Pas se mettre pied, là. Si tu vas te conscientiser, on va en parler des lois de la conscientisation, mais la conscientisation n'est pas du domaine de la philosophie, n'est pas du domaine de la théologie, ce n'est pas du domaine de la psychologie. Et un être conscient, ça ne s'explique pas, c'est virtuel, c'est instantané, et il est correct. Mais si on parle de comment tu peux être heureux une fois totalement dans ta conscience, avec une famille qui ne suit pas, et on en parle quand tu n'es pas conscient, tu ne peux jamais comprendre ce qu'on va dire. Parce que tu appliques les lois du bon sens dans l'évolution. Et on va en parler à la prochaine conférence de conscientisation, mais ça ne peut pas fonctionner. Alors, il n'y a rien de pire... Mais qu'est-ce que ça veut dire, appliquer les lois du bon sens? Les lois du bon sens, ça va être, je ne peux pas être heureux si ceux que j'aime sont malheureux. Écoute, c'est le bon sens. Mais ça, c'est les lois du bon sens de l'évolution. C'est parce ce qui que fait si tu vas dans la conscientisation, tu peux parfaitement être heureux, c'est l'attachement. Même si les autres sont malheureux. Ça, on va dire que c'est de l'égoïsme. Ben, c'est évident, ça peut t'empêcher de traverser. Exactement comme vous allez tous me donner une pièce tout de suite. Ceux qui ne veulent pas, c'est le mot des égoïstes. Une pièce, ça ne vous dérangera pas. Mais moi, je ne suis pas égoïste, moi, dès que j'ai une pièce, c'est une mort. Puis en plus, d'écœurer les gens qui ne veulent pas m'en donner. Ah non, ça paraît pas égoïste, ça. Mais c'est ça. C'est quoi égoïste? Quand quelqu'un disait à un moment donné, là, tu dois respecter les autres, qui a dit ça? Quelqu'un qui voulait se faire respecter. On enseigne ça aux enfants. Tu dois respecter les autres. Qui? Les adultes. Alors, vous devez respecter autrui. Moi. Fait que lui, s'il ne respecte pas autrui, moi, je saute dessus. Est-ce que je le respecte, moi? C'est pas pareil. C'est pareil. Alors, toutes ces mécaniques-là font partie des lois de l'évolution. Oui, mais nécessairement, à un moment donné, ça revient à la... les doigts de l'un s'arrêtent ou commencent celui de l'autre. Là, c'est la même chose, se faire respecter. Uniquement si tu restes dans le phénomène de l'évolution. Parce que si tu rentres dans la conscientisation, tu n'as pas besoin de te faire respecter. Tu te respectes toi-même et c'est bien correct. Oui, mais sinon, qui tape tout le temps dessus, il faut voir que... Ben non, tu bûches dessus, tu l'envoies à terre au tapis, puis tu te respectes toi, pas lui, ça n'a rien à voir avec lui. Ah, mais c'est ça. C'est bien logique. Ben oui, tu te respectes toi, mais tu ne respectes pas lui. Non, non. Dans la conscientisation, là, tu dois respecter tout ce qui est esthétique. On va en parler de la conscientisation. Ouais, okay. Mais en 30 secondes, il reste encore 25 lois à voir. Compte jusqu'à 24. 25. Non, mais il y a beaucoup de sous-lois, des alinéas, là, A, B, C, D, jusqu'à la lettre, même sous Z. Ça se résume en ceci, c'est que dans l'évolution, vous devez tout faire pour y parvenir, mais chaque fois que vous allez vous rapprocher d'un succès, observez que la vie va s'arranger pour vous faire payer. L'humain qui se conscientise, on en parle. Mais c'est ce qu'on va, c'est ce qu'on appelle le karma. Ah, c'est pire que le karma. Ben, c'est ça, c'est du karma, mais c'est... En tout cas. Mais c'est comme on n'a rien pour rien. Non, t'as rien pour rien, puis si tu l'as, tu payes en le prix. De toute façon, il faut pas que tu l'aides. Si tu montes d'un côté, tu vas baisser d'un autre. Si tu montes d'un côté, tu baisses même de ce côté-là, faut pas. Observez l'humain, observez l'histoire, observez-vous, observez vos vies, observez vos voisins. Puis, prochaine conférence, on va parler des autres frères. Attends.